C'est bon, dans quel livre tu le ranges? Ça te sert pas, t'auras pas à t'en servir. Notre force, le physique, on n'a pas d'armes. Certains le fric, d'autres le style, nous la zik. Et si c'est calme, pas d'armes dans notre âme. Dans nos poches, on n'a pas de lame. Mais t'inquiète, certains, ils ont de la cam. Ici c'est pas la thèse. Faut que tu l'apprennes, sinon je répète. Ici c'est pas la thèse. Ici c'est pas la thèse. On se prend pas pour des grosses bêtes, je répète, mais crois pas que je me la pète. Ici c'est pas la thèse. On se prend pas la tête, non t'inquiète, pas le quotidien de business. Ici c'est pas la thèse. Fais pas le bête, ça fait un moment que je le répète. Sois honnête, mec, parfaite et notre deep tête. Mais on a le droit de rapper, de changer notre style, c'est permis. De toute façon, vous êtes tous pareils. Grosse veste, casquette, pute, bas les fesses. Grosse tête, la fait peut-être cette barrette en cachette. Pis merde, fête. On cherche pas la vedette ni les pépettes. Juste une part de la galette de notre assiette et notre son en direct sur disquette. Faut que tu l'apprennes, mec, on rêve peut-être de ta carrière. Mais t'inquiète, on te laissera jamais le derrière. Veux être fier, maître de notre digue, de nos arrières. Et peut-être péter les barrières. Et si je me la pète, ça sert bon, je regrette. Entre le style et la zik, entre les filles et l'envie, s'il y a plus de place, reste là, attends-moi sur la banquette arrière. Ici c'est pas la thèse. Faut que tu l'apprennes, sinon je répète. Ici c'est pas la thèse. Ici c'est pas la thèse. On se prend pas pour des grosses bêtes, je répète, mais crois pas que je me la pète. Ici c'est pas la thèse. On se prend pas la tête, non t'inquiète, pas le quotidien de business. Ici c'est pas la thèse. Quotidien tranquille, commune, gentille. Pas de bruit comme on l'a dit, c'est la belle vie. Mais pas celle de France 3, pas la mer, ni le Mistral. Y'a pas de bar, y'a que dalle. Les villages dorment, les dorment, les vaches dorment. Nous compare pas à Camini, son pays c'est pas ici. C'est l'époque où Mireille, l'abeille s'est noyée dans ce pot de miel. Et que Bob le bricoleur, écrasé par son tracteur. Pas de vitesse de tracteur, mais un track par heure. Et c'est l'heure de tout voir, les minots sont partout. Comme des fous, ils voient tout, à leur âge, ils boivent tout. On finira tous dans le trou, le moral est à bloc. Signe de rime, pas KO. On démarre, on repart à zéro. Changement de rythme, de rapide à tranquille. C'est parti, ça me fait rire, le langage de la ville qui arrive et ça choque les anciens qu'on pas saisi. Ici c'est pas la thèse. Faut que tu l'apprennes, sinon je répète. Ici c'est pas la thèse. Ici c'est pas la thèse. On se prend pas pour des grosses bêtes, je répète, mais crois pas que je me la pète. Ici c'est pas la thèse. On se prend pas la tête, non t'inquiète, pas le quotidien de business. Ici c'est pas la thèse. Ici pas de guerre, des gangs, bah ouais, faudrait déjà qu'il y ait des gangs. Pas encore arrêté par la police, mais tu vois, on pose des rimes. Eh ouais. Cette image de rebelle pour phaser, c'est pas la peine. On est différent et nouveau, ça vous retourne le cerveau. Non, me parle pas si t'aimes pas, reste chez toi, appelle-moi pas. C'est pas la thèse, non, petit village, on vous le dit, on assume, c'est honnête. Ici, c'est pas la thèse. Faut que tu l'apprennes, sinon je répète. Ici, c'est pas la thèse. Je prends pas pour des grosses bêtes, je répète, ne crois pas que je me la pète. Ici c'est pas la thèse. On se prend pas la tête, mais non t'inquiète, pas le quotidien de business. Ici c'est pas la thèse. C'est pas la thèse. Non, pas la thèse. Ici c'est pas la thèse. Faut que tu l'apprennes, je répète. Ici c'est pas la thèse. On se prend pas pour des grosses bêtes, je répète, ne crois pas que je me la pète. Ici c'est pas la thèse. On se prend pas la tête, non t'inquiète, pas le quotidien de business. Ici c'est pas la thèse. C'est pas la thèse. Non, pas la thèse.